Alors, en ce soir de Noël, j'espère que vous avez vécu une belle journée, de belles fêtes de Noël avec vos proches, votre famille, vos amis peut-être. Un beau moment fraternel, un temps d'échange, souvent de cadeaux, un temps de générosité. Et puis, arrivé le soir de Noël, il y a comme une petite amertume qui reste. Il y a comme une insatisfaction qui demeure. Ça fait des semaines qu'on se prépare, qu'on y pense, qu'on se demande comment on va vivre ce moment-là. Peut-être qu'on met beaucoup d'espérance dans ce moment-là, ce moment si précieux. Et il reste, malgré tout, une amertume, un petit manque. Un petit quelque chose, une petite nostalgie qui nous fait réaliser qu'il y a une fin à cette fête telle qu'on l'a vécue aujourd'hui. Il y a quelque chose qui n'est pas venu tout à fait remplir notre cœur à travers ce temps festif en famille, ce temps d'échange de cadeaux. Et ce soir, si on se retrouve devant notre Sauveur, c'est pour nous laisser tout à fait, entièrement, comblé et satisfaire. Cette petite amertume à laquelle nous goûtons, ce petit manque, ce petit vide que l'on goûte à la fin des moments de célébration, les moments de fête que l'on vit en famille, c'est ce que le peuple de Dieu a vécu dans tout l'Ancien Testament, ce manque. On aspire à une présence de Dieu plus grande encore. Il y a, oui, ces promesses de libération, de guérison, de salut, cette délivrance d'Égypte, mais quelles sont les nouvelles délivrances qui vont venir? Y en aura-t-il d'autres? C'est toute la quête du peuple d'Israël, toute l'attente des prophètes. Il manque toujours quelque chose. Jusqu'à ce que, comme Isaïe déjà le prophétisait, nous puissions voir de nos yeux le Seigneur qui revient, le voir de nos yeux. La fête de Noël peut nous satisfaire si par les yeux de la foi, nous acceptons de voir le Sauveur. Comme le dit Saint Jean, il est la lumière, il est la vie. La vie qui est lumière des hommes, cette vie qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres n'arrêtent pas. Le Verbe est la vraie lumière qui éclaire tout homme. Et c'est pour cela qu'en présence de Jésus, si avec les yeux de la foi nous acceptons de le voir, de le regarder, de l'accueillir, nous sommes entièrement éclairés, entièrement mis à nu, mis en lumière. Le Concile Vatican II nous dit que dans le Christ, dans la personne de Jésus, eh bien nous apprenons à connaître tout l'homme. Tout l'homme s'exprime en la personne de Jésus. Il n'y a plus d'aspérité, plus de mystère, plus de ténèbres, plus d'ombre. C'est toute l'humanité qui s'éclaire dans la personne de Jésus. Il est la vérité de l'homme. Et c'est pourquoi lorsque nous nous laissons éclairer par sa présence, nous nous laissons habiter par sa présence, alors toute nostalgie, peut-être tout petit regret, tout désir de regarder en arrière, tout arrière-goût est illuminé, est comblé, est dépassé. La présence de Jésus dans nos vies peut déborder et remplir ces attentes que peut-être n'ont pas été satisfaites parce que nous voulions vivre ce Noël. Et ce sera comme ça toute notre vie, tous nos désirs humains. Même dans le mariage le plus parfait, nous dit Jean-Paul II, même dans le mariage le plus parfait, les désirs humains ne sont pas tout à fait satisfaits. Dieu seul. Dieu seul peut tout à fait satisfaire un cœur. C'est cette je trouve que c'est une belle consolation pour les couples qui parfois mettent une pression sur le conjoint en attendant de lui qu'il soit comme Dieu. Ça met une grosse pression, ça, dans les couples. Mais il faut reconnaître humblement qu'on ne l'est pas et qu'on a besoin de Dieu, vraiment de Dieu, pour être tout à fait satisfait et rempli et comblé d'une joie nouvelle. Eh bien, Noël, c'est cette fête à travers laquelle nous sommes invités à voir le salut, voir celui qui vient éclairer notre humanité, voir celui qui vient aussi répondre à toutes les attentes qui habitent notre cœur, les attentes inexprimées, les désirs insatisfaits. Il est celui qui peut réellement les éclairer, les purifier et les combler. Aujourd'hui, comme nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, Dieu nous a parlé par son Fils. En la personne du petit enfant, Dieu nous parle. Et que nous dit-il ? Il nous dit que nul n'est trop petit, nul n'est trop éloigné de lui, nul n'est trop peu cultivé ou pas assez intelligent, ou nul n'est trop pas en bonne santé, nul n'est trop faible, nul n'est trop pauvre, pour que Dieu ne se révèle à lui. Il se fait petit enfant. Par son Fils, il a parlé, il nous parle. Il nous dit qu'il vient nous révéler à nous-mêmes ce que nous sommes. À nous, de poser cet acte de foi, de l'accueillir, de le voir, d'accepter de le voir, de voir Dieu dans ce petit enfant, dans l'indigence de cet enfant couché dans la crèche. C'est tellement simple, la crèche. La crèche, c'est Dieu qui rentre dans notre humanité par une famille. Il a pris le chemin que tout le monde prend. Le chemin normal. Le chemin le plus simple. Pourquoi ? Pour nous rejoindre dans ce chemin que nous avons, chacun et chacune d'entre nous, nous-mêmes pris. Il n'y a rien que nous n'ayons vécu, que Jésus n'ait lui-même vécu. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous de cette fête. Jésus vient, par sa présence, habiter la réalité, aussi insatisfaisante soit-elle, de nos vies. Il vient l'habiter. Et notre consolation, c'est de savoir qu'il est là, dans tout ce qu'on vit. Dans chaque aspect de la réalité de notre existence, à partir d'aujourd'hui, nous voulons voir qu'il est là, à nos côtés. Il est présent dans la simplicité de la vie de famille, dans la simplicité ou le côté routinier de notre travail. Il est là aussi présent dans les attentions de ses parents. Il est là présent dans chacun des gestes qui sont posés envers Marie et Joseph, des gestes tout simples, des gens qui viennent visiter comme on vient se visiter entre voisins ou entre amis au jour de Noël. C'est dans cette simplicité-là que Dieu se rend présent. Alors arrêtons de vouloir mettre des satisfactions ou d'avoir des désirs démesurés pour être satisfaits. Dieu vient nous satisfaire et nous combler de manière simple, de manière toute simple. Mais notre difficulté à nous, c'est qu'on l'attend de manière extraordinaire. Il faut qu'il y ait des éclairs dans le ciel, je ne sais pas, des tourbillons. Il faut que ça se voit, que ça éclate, que ça fasse du bruit, que ce soit ultra convaincant. Ça, il n'y a que sur Facebook qu'on voit ça. Dieu choisit d'entrer dans le monde, dans la simplicité. Et c'est de cette manière-là qu'il peut répondre aux plus grands besoins de notre cœur. Accueillons-le ce soir plus profondément encore, que ce nouveau Noël dans notre vie soit un nouveau départ avec lui. Un nouveau début d'année, nous approchons de cette nouvelle année, un nouveau début d'année avec Jésus qui vient nous combler par sa présence dans la simplicité.